Les Granges, deux poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les granges s'élargissaient là-bas, les granges recouvertes aux murs d'épais crépis et de blancs badigeons, au fait des manteaux de paille et de joncs, où mordaient par endroits les dents des mousses vertes. De vieux ceps tortueux les ascendaient, alertes, luttant d'assaut avec les lierres sauvageants. Et de meules flanquées, ainsi que de donjons, les portes qui baillaient sur les champs, larges ouvertes. Et par elles sortait le ronron des moulins, rompu par les fléaux frappant l'air à coups pleins, comme un pas de soldat qu'un tambour accompagne. On eût dit que le cœur de la ferme battait, dans ce bruit régulier qui baissait et montait, et le soir, comme un chant, endormait la campagne. Fin de Les Granges.